Le répertoire de Gus Wieser est composé de valses, tangos, passo-doble. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Mais vous savez, Gus, il peut aussi jouer des mélodies qui vous enchaînent les unes contre les autres. Exemple, avec celle qui va suivre. Attention, si elle vous prend, elle ne vous lâche pas. Alors, j'avais pas raison? Si je vous le dis, c'est que je le pense. Gus Viseur, c'est quelqu'un. Thank you. mais aussi de ces mélodies que nous écoutons en ce moment et qui nous font tout simplement rêver. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Gus Wieser a été l'un des premiers accordéonistes de jazz. Musique. Il faut bien l'avouer, ces moments de volupté, on les aime. Souvenir, souvenir, quand tu nous tiens. Son premier disque, il l'a enregistré en 1937. Thank you. Waouh, ça fait du bien. Après la valse, un petit moment de volupté. Musette, c'est sur Sorgia FM, bien sûr, et a accompagné Édith Piaf en 1940. Thank you.

C'est bientôt la fin de cette 24e émission. Gus Viseur nous a accompagnés tout au long de cette émission de Musette.

Gus est décédé le 25 août 1974 à Paris, mais il nous laisse un répertoire unique. Eh bien voilà, c'est déjà fini. La première partie de cette émission accordéon, eh bien, est terminée. Mais pour autant, sur Sorgier FM, rien n'est fini. La variété continue. C'est un petit voyage dans la chanson française des années 80 dont vous allez profiter dans cette émission. On vient d'écouter Les Démons de Minuit par Émile et Images. Va suivre Africa par Rose Lawrence.

toi tout on s'en fout. On se souvient des années guitare interprétées par Michel Fugain et puis Besoin de rien, Envie de toi, Peter Eastlohn. Ah, là aussi, que de souvenirs. Tête en l'air, dans les nuages, on rêvait de tous les voyages, avec un cœur rond comme ça, et six cordes sous les doigts. C'était les années guitare, les années couleur espoir. C'était l'âge où tout est permis, mi, la, ré, sol, si, mi. Les années guitare, c'est dame, dame, du dame, des années qu'on n'oublie pas. Trois notes et le mot qui laisse des traces, qui ne s'efface pas. Les années guitare, c'est dame, dame, du dame, des milliers de souvenirs qu'on se fait sous les étoiles avant de grandir. Chacun sa vie, ça va si vite. Après les dernières vacances, on s'est dit salut, bonne chance. Fini les années guitare, les années couleur d'espoir. Fini l'âge où tout est permis, mi, la, ré, sol, si, mi. Les années guitare, c'est dame, dame, du dit dame, des années qu'on n'oublie pas. Le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Tu vois, le jour c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour c'est ta Vérone qu'il ressemble. Besoin Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Les années 80 nous ont aussi fait connaître Stéphanie de Monaco avec Ouragan. Et aussi Début de soirée avec Nuit de folie. On entend d'ailleurs toujours ces mélodies en discothèque. Je voudrais pas que tu t'en ailles. Oh les filles, eh oui, c'est au bonheur des dames, toujours et encore les années 80, mais également Boy Boy Boy, interprété par Sabrina, un peu oublié, il faut l'avouer, aujourd'hui, mais, pas par tous, pas par tous. Avec Hélène, dans un café on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain je lui téléphone, elle me dit que tout est fini. Oh les filles, elle me rend le marteau. Oh les filles, quand je les aime trop. Je suis sorti avec Monique en Italie, et au moment le plus tragique, elle m'a prié de l'embrasser. Et comme je suis un gars pratique, je ne me suis pas fait prier. Marcel. Il est sorti avec Marcel. Dans le métro, on s'est rencontrés. Il habite tout près de Sarcelle. Alors je l'ai raccompagné. Arrivé près de sa HLM. On me dit j'aime pas les PD. Thank you.

laver, me raser, m'habiller, me peigner, mes cheveux, bien coiffé. Ouais, les midis, mes parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les deux heures, ah, ah, ah, ah, je suis chômeur, ah, ah, ah, ah, je suis pointé, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, dans mon cœur, il y a plein de douleurs. Ouais, juste après, je m'en vais. Café d'à côté. Ouais, y'a des filles et y'a des flippeuses. Ouais, les 20 heures. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié Richie avec son succès « Jolie poupée », suivi de « Une autre histoire » par le regretté Gérard Blanc, que l'on n'oublie pas. Oh, pour monsieur que tu sais, sur les bancs de l'école, déjà je te parlais d'amour et de rock'n'roll. On était fou de Presley, Cadillac Rose, au bonbon des Udeurs. Oh, pour monsieur que tu sais, que tes odeurs s'exemblent, me donne des idées, puis là je vais dire rock'n'roll, dans ma tête un jukebox, jubilolé. Poupée sucrée, un jour je vais te croquer, fais attention à toi, car tes lèvres mêlent bas seront pour moi. Poupée sucrée, tu sais, quand tu joues au flipper, pour tes baigneurs serrés, faudrait rougir à rocker, et le feu au compteur, on va danser. Avec ta jupe plissée, tu me flashbacks Marilyn. Mais toi, ce qui te plaît, c'est de danser. Me fait craquer, t'es la plus belle des belles. Oh, monsieur, que tu sais, finis les bandes.

quelle heure je pense à toi. Quelle heure ce soir je pense à toi. Où allons-nous, me dit-elle. Je pense à toi. Je ne sais même plus où tu es, ni ce que tu deviens. Mais ça n'a pas vraiment grande importance. Non pas se perdre dans la ville, vers de nouveaux chemins qui ne se croisent que par coup de chance. De chance. Il se fait tard, je pense à toi. Si on rentrait, je pense à toi. Je n'étais pas très drôle ce soir, je pensais à toi. On fait l'amour, je pense à toi. Au petit jour, je pense à toi. Je ne dors pas, je pense à toi. Non pas se perdre dans la ville, vers de nouveaux chemins qui ne se croisent que par coup de chance. De chance. Je pense à toi. À toi, la nuit s'achève, je pense à toi. Même quand je rêve, je pense à toi. Je fume une autre cigarette, je pense à toi. Le jour se lève, je pense à toi. Les yeux mi-clos, je pense à toi. Je ne dors plus, je pense à toi. je veux vous m'aimer, mais pas moi. Moi je vous l'aimais. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime ma grand-mère. Vous si vous voulez les caresses, restez pas, pas chez moi. Moi j'aime sans sentiment. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est fini. Rendez-vous dimanche prochain. Mais n'oubliez pas, mardi, c'est la rediffusion de cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse. À très bientôt. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5.